Ciao les gars. Dimanche soir. Dimanche soir. Minuit 1h. Minuit 1h. C'est Rail Suprême. C'est parti. Sur Skyrock. Suprême. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais Snoonie. Minuit, une heure, minuit, une heure. C'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Donc le début de Rail Suprême, DJ Case comme chaque dimanche soir au platine. Comment va Case? Ça va, tout va bien. On est avec Ahmed El Moussaoui qui est là aussi avec nous. Bienvenue Ahmed. Bienvenue, merci, merci à tous. Ça fait plaisir de l'avoir dans l'émission. Tu le connais, tu connais un petit peu le parcours du garçon ou pas? Pas le parcours, mais j'ai pu voir des vidéos il y a pas très longtemps. Bon, il fait partie de cette nouvelle relève de la boxe anglaise. Hein. Ahmed, tu m'arrêtes si je me trompe. Alors vas-y, continue. Ouais, pour l'instant. Ouais, en même temps, je suis séparé par une vide, donc je suis assez tranquille. Tout peut tomber sur Case. Non, mais tant que je me plante pas sur le palmarès. Donc si tu me dis si je me plante, hein, parce que c'est info Wikipédia et parfois c'est un peu n'importe quoi. Okay. Donc champion de France de boxe amateur en minime en 2004. Yes. Deux fois cadet en 2005 et 2006. Yes. Deux fois junior en 2007 et 2008. Exact. Professionnel à partir de 2009. Yes. Et là désormais on en est où alors sur le parcours Ahmed? Bah actuellement maintenant j'ai 22 combats, 20 victoires, un nul, une défaite. J'aime bien 22 combats, 20 victoires. Un nul, une défaite et j'ai été sacré champion de France l'année dernière. Mm-hmm. Et là, je suis actuellement challenger de l'Union Européenne et je dispute mon titre, si Dieu veut, le 6 décembre. Donc ça approche, c'est le 6 décembre qui aura lieu à Charleville-Mézières, hein, c'est ça? Exactement, exactement à Vrigne-aux-Bois, dans le 08. Tu vas rencontrer un Espagnol? Ouais, exactement, je rencontre Aitor Nieto, le double champion d'Espagne. Bon, ça va, bien, préparé, t'es chaud? Franchement, top. Je suis en pleine forme. Il va le défoncer. Ouais, je suis bien. Bon, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de boxe ces derniers temps avec le fameux combat Badrari, Carteron. Je sais pas quel regard t'as toi là-dessus parce que c'est pas la même chose. C'est compliqué dans la boxe. Hein. C'est vrai qu'il faut suivre à chaque fois. Je sais pas toi quel regard t'as là-dessus parce que. Ouais, j'en ai entendu beaucoup parler. Bah, ça fait beaucoup de buzz en même temps. Mmh. Moi, je suis marocain comme Badrari. Après, faut dire ce qui est. La vérité, c'est que Badrari a rencontré des vrais champions, a battu les vrais champions. Et quand on regarde le palmarès de Carteron, voilà quoi. Il n'a pas forcément battu les meilleurs. Après voilà, moi j'aurais bien voulu voir ce combat-là. Bon ouais. Après peut-être que je me dis que peut-être Badrari n'était pas prêt. Et c'est fort possible. Mais je pense que et j'espère que ce combat se fera un jour ou l'autre. Bah moi en tout cas ce que je trouve triste en dehors en effet de bon après ça fait partie aussi du jeu, les clashs, les machins, ça fait aussi partie de l'histoire de la boxe depuis des années si tu veux. Mais je trouve ça triste, c'est au niveau plutôt organisation parce que quand t'as un combat qui est prévu, alors après que tout soit annulé, c'est vrai que ça paraît bizarre. Et pour la boxe en général, je trouve pas que ça donne une vraie bonne image de ce sport. Après, je pense aussi que c'est à Dubaï. À Dubaï, ça a toujours été compliqué de faire des galas de boxe. D'ailleurs, même en anglais, c'est super dur. On a même proposé des sommes astronomiques pour Floyd Mayweather, Amir Khan. Non, mais c'est vrai, ça a jamais été fait. Parce ça a que pas été fait. C'est très compliqué. C'est super compliqué. Bon, Badrari, je sais pas, il a eu l'opportunité d'avoir des bonnes connexions là-bas et ça s'est fait, mais bon. C'est vraiment dur en tout cas. Toi en tout cas, c'est le 6 décembre, tu vas y aller. Yes, tu seras là. Décembre, tu vas combattre. Et je vais pour gagner. Et tu vas pour gagner évidemment, donc t'es prêt, je te sens bien pas. Parce que si vous suivez Ahmed El Moussaoui, tu suis un peu sur. Ouais, j'ai suivi, ouais, sur Instagram. J'ai regardé sur les vidéos. Et moi j'ai vu les. Pas sur les réseaux sociaux. Il y a eu un sacré entraînement, en tout cas on voit les photos. Ça bosse dur quoi. Affûté ouais, en tout cas. Et on te souhaite bonne chance pour le 6 décembre. C'est gentil. T'es là alors on va partir pour une session de mix par DJ Case. Avec aussi des sons qu'on a sélectionnés, ouais. Du moins que Ahmed a choisi, dont une musique qui est l'entrée du ring. Et des goûts perso aussi à Ahmed. Et tout donc session mix par DJ Case. C'est ça. Le choix de Ahmed El Moussaoui. Et puis des places à gagner dès maintenant, 41-7-5-9. Si vous voulez voir combattre Ahmed, dépêchez-vous parce que souvent les combats vont très vite avec Ahmed. Donc soyez là au rencard le 6 décembre et venez choper vos places maintenant, 41-7-5-9, le hashtag Skyrock pour recevoir vos places à la maison pour voir ce combat qui aura lieu le 6 décembre du côté de Charleville-Mézières. On y va, on attaque, Case, tu te sens bien chaud? Oui. Ahmed, t'es prêt? Yes. Allez, coup d'envoi, c'est parti. Monte, Bill, elle monte, hé, Ahmed. Allez, monte, allez, on y va. Hé, hey. Mes Karim, pour ton du blé. Pour du blé. Pour tous les Miss Mourt. Le double D. 504 break chargé. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein gasoil et gazous pour pas flancher. Bilal, va pisser. Le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Rideau? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu tard, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout à Tati. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Sur la plage à boulet mat avec mon zinc et son derbouka dans la main. Un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zerwania. DJ Case. On garde toujours l'espoir. La vie, c'est notre mère. Elle est la terre de mon père et ma mère. Et c'est le soleil qui nous éclaire. Bien vu à la place, Rachid Arabe. On ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque. Par peur, c'est marave. Débrouillard, plus tout jeune, un gosse du Rachid System. Beurre et conscient de son potentiel. En France, si facile, se retrouver au Hebs. Halafi, on trempe dans des coups, des trafics. Je suis toujours un petit reflet, toujours à l'affût, vicieux d'El Spa. La débrouillardiste, ça, c'est le coup de grippe, Rachid System. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes. Qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois, c'est fatal, ça semble interminable comme une tifada. Avec les moyens du bord, dans tous les domaines, on a la hache, t'as les drapes, et suis entouré. Ouvert aux critiques, photo. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne le vaut. Rage de système, gros. Je m'en vais.

straight, quick with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Puffy tryna see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunning, keep on busting at them fools. You know the rules, Lil Caesar, go ask your homie how I leave you. Cut your young ass up, leave you in pieces. Now be deceased, Lil Kim, don't fuck around with real G's. Quick to snatch your ugly ass off the streets. So fuck peace, I'll let them niggas know it's on for life. Don't let the West Side ride. Motherfuckers know what time it is. I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'ma let my little homies ride on you bitch made ass bad boy bitches. Feel. Get out the way, yo. Get out the way, yo. Biggie Smalls just got dropped. Little move past the mat. And let me the mat. And let me the mat. And let me the mat. C'est Rice Suprême sur Skyrock avec Ahmed El Moussaoui, avec DJ Kaze au contrôle. Ouais. Je savais pas que Tupac faisait du rail. Il s'est lancé ce soir exceptionnellement. Il s'est ressuscité avec bon. Une Derbouka. On t'a mis bien Ahmed là. Tu peux pas perdre. Hein. Non, je suis désolé, s'il descend. Il faut vraiment que je représente l'équipe là. C'est pas possible. T'as même transpiré sur le son. Il y avait le son de la Fouine qui l'a fait pour toi. C'est le son sur lequel tu rentres quand il y a le combat celui-ci. Ouais, tout le temps exactement. C'est mon hymne. C'est ton hymne. Mmh. Ouais, parce que vous venez du 7-8 tous les deux évidemment. Toi, t'es du 7-8 aussi. Exactement. On s'est connus. D'ailleurs, une petite dédicace à un très bon ami à moi, Clément. Ah, Clément. Animal Son. Ce fameux Clément. Qu'on dédicace fort, Clément. Ouais. Et voilà, bah, Clément qui sera aussi parmi les premiers supporters, je suppose, le 6 décembre d'Ahmed qui ira combattre donc notre ami espagnol. Ouais, Clément, c'est quelqu'un qui me suit depuis des années maintenant. Ça va, il boxe bien en plus aussi, hein, Clément, ça. Il se démerde pas mal. Ouais. Il se démerde, il a un bon coup. Bah, tu sais, en sortie de soirée, il faut bien se défendre. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé dans la boxe, toi, le premier, celui qui t'a donné envie, ou alors ce qui t'a amené à la boxe, Ahmed, c'était quoi? C'est mon père. C'est ton père? Ouais, c'est mon père. Un jour, à la base, j'habitais dans le 77, dans le 77, on n'est pas resté très longtemps, après on est parti dans le 78, et mon père, un jour, il a croisé un petit jeune en bas de chez moi, et il lui a demandé de m'accompagner au gymnase. Il lui a demandé quel sport il y avait, et le mec lui a sorti la liste, et mon père m'a demandé de faire la boxe directement. Bon, il kiffait la boxe, mais moi aussi à faire, enfin, j'ai pas tout de suite accroché, au bout d'un an après, je sais pas, c'est rentré dans le sang. Et c'est bon au quotidien pour toi, c'est un vrai équilibre maintenant, je suppose, la boxe, et voilà, c'est... Je peux pas m'en passer. Tu peux pas t'en passer? Non, c'est ma drogue. Mmh. C'est dur. Les premiers combats, tu te souviens, le tout premier combat, c'était quoi? Tu tremblotais un peu? Il y avait... Premier combat, oui. Et c'était même pas un combat, c'était un assaut encore. Ça veut dire, t'avais même pas le droit d'appuyer les coups. C'était... Ah ouais, c'était juste... Ouais, t'appuies un peu, l'arbitre t'a arrêté. Ça veut dire, c'était une initiation un petit peu. Mais ouais, je me rappelle super bien. C'était en 1998. Et après, donc depuis maintenant, toujours un peu d'appréhension donc quand tu montes sur le ring avant un combat, ou même les plus grands champions, ils ont toujours de l'appréhension. C'est vrai. Et du stress. Faut pas les écouter. Ouais, moi j'ai pas peur. Mais non. Bah parce que la boxe, c'est un petit peu comme dans le rap. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ego, qu'il y a forcément voilà. T'inquiète pas. Quand t'es tout seul dans le vestiaire et que tu sais qu'il y a 10 000 personnes qui t'attendent en train de crier. Je peux te dire que t'as la pression. Donc la prochaine grosse pression, ce sera le 6 décembre prochain. Il y a des places à gagner, envoyez les messages 41 759. Case, toi tu seras pas le 6 décembre du côté de Charleville? Tu seras où? Non. C'est quoi les prochaines dates pour bah, déjà tout à l'heure je suis en bas de la tour Montparnasse. Pas mal. Ça s'appelle Là, ça je peux pas te dire. En bas de la tour, je sais pas, le parvis de la tour Montparnasse. Le News Café. Voilà, le News Café, c'est juste tout à l'heure. Vendredi prochain, je suis à Bayonne. Samedi prochain, en début de soirée, à Montpellier, à l'Eclipse, puis à l'Entracte à Toulouse. Voilà. Et parmi les sélections, c'est vrai qu'on va y revenir deux secondes dessus. Il y avait Tupac, qui est assez rare dans Rice Suprême, hein, pour pas le cacher. C'est exceptionnel. Ça, Tupac, c'est quoi? C'est les souvenirs de gamin, pareil, ce que t'écoutais beaucoup aussi, Ahmed? Non, gamin, je dirais pas gamin, mais c'est pas. Bon, Tupac, c'est une ancienne. C'est pas ma génération, mais c'est vrai que j'écoute beaucoup Tupac, parce que c'est. Disons que c'est du rap indémodable pour moi. C'est. pas, c'est un peu ma source de motivation de quand je cours et quand je fais du sport. Donc j'aime beaucoup, surtout Ola Zami et Hit Them Up. Il te faut beaucoup de son, toi, justement, avant un combat ou avant de non, d'aller non, sur non. Où il faut une espèce de concentration. Je suis concentré, je suis quelqu'un de concentré en général, mais c'est vrai que quand je suis moi je suis un peu solitaire, tu vois, mais quand je fais du sport, j'aime bien, d'ailleurs déjà de une, j'aime bien m'entraîner seul avec mon entraîneur. Ça me, je sais pas, j'ai plus de pêche quand je suis seul que quand je suis avec du monde. Enfin bref, après c'est chacun est comme il est. Bon, en tout cas, Tupac fait partie des morceaux qu'on retrouve dans ton téléphone. Ouais, obligé. Minimum 5. Et sur le côté oriental, il y a beaucoup de choses que t'écoutes aussi ou pas? Va Béni. Il va envoyer un texto, il a écrit Va Béni. Bah c'est au Maroc, c'est Reda Taliani. Exactement. Mais c'est un Algérien, mais qui vit au Maroc. Qui vit au Maroc, ouais. Qui est au Maroc. Et ce que nous racontait La Fouine, d'ailleurs, il nous a rappelé ça quand il est venu lors de son Planète Rap pour Capital du Crime. Il nous disait, ouais, moi j'avais entendu ce morceau. Tout de suite, j'ai appelé Reda Taliani pour essayer de repiquer le morceau. Non, mais c'est un carton. C'est un truc de fou, cette musique. Et ben, on va revenir dans un instant, Case. Oui, on va revenir. On va se mettre justement avec Reda Taliani, encore partir loin, avec 113, l'ONB, un peu de tout. Voilà. Bon, ça te va, sinon, si t'es pas content, tu sais où t'adresser, mec. Si jamais il y a un problème, regarde. Fais pas trop le malin, Case. Il y a une vitre. Je te sens bien calme, Case. Un petit peu calme. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai déjà un garde du corps pour tout à l'heure. Hein. Pour le Nescafé. Ah, pour le Nescafé, ouais. Bah là, c'est un bon, hein. Bon, on revient dans quelques minutes et bon, on conclura ce Rail Suprême avec une nouvelle sélection mixée par DJ Case juste après ça. Dimanche soir, minuit 1h, c'est Rail Suprême mixé par DJ Case sur Skyrock. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais Snow. Minuit 1h, c'est Rail Suprême mixé par DJ K sur Skyrock. Mettez-vous sur la touche, vous avez des trophées, nous avons la fierté.

mixé par DJ K sur Skyrock. Des frissons, ça vient de chez nous.

حسن سواد فيت وين النوم ذوق دسن صحن تادي يكفي ودروم ثروة غات غلب تلوي ذاك ذوم يا لا لا دا لا لا لا يا لا لا مسات لقي دفور طالو في ريسيتير يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا يوال السرد مور طالو في ريسيتير يا لا لا لا لا dédicace à mes parents que j'aime fort. On n'oublie pas d'où l'on vient. We'll be right back. عصاريين واش الثاني نعشب فين القاوري زوفي في زوفي في لهذا في فيا فين صوالح ولك وتير روح لدارنا ويا رومية رومية لهذا في فيا فين صوالح ولك وتير روح لدارنا ويا Suprême le dimanche avec DJ Case au contrôle et ce soir Ahmed El Moussaoui qui nous a fait un petit coucou dans l'émission dans Rail Suprême. Ahmed, bon ça va, tu t'es mis bien là, tu peux pas ne pas combattre, ne pas gagner Ahmed. Non, il m'a mis très très bien. Bon, il a donné toutes les à mes origines et ça fait plaisir. On lui a donné toutes les clés. Voilà, en toute main. L'énergie qu'on pouvait lui donner. Exactement, de la force. Ouais, la cerise sur le gâteau, on a mis une musique de chez lui en plus. Ah là ça y est. C'est la touche finale. Tu as touché un point sensible. Bon, donc le rencard, c'est le 6 décembre. Ahmed, rappelle-nous où c'est à côté de Charleville-Mézières. Exactement, rendez-vous le 6 décembre à Vrigne-aux-Bois dans le 08. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement, ça passera en live sur ma chaîne sport à 21h30. Donc 21h30 ma chaîne sport pour tous ceux qui se déplacent pas. Sinon, si vous voulez y aller du côté de Charleville, dans le 08, yes. 41 759, des messages, il reste encore quelques places à choper. Le hashtag Skyrock, on te file rencard donc le 6 décembre. Qu'est-ce qu'on dit dans la box merde, hein, comme tout le monde, voilà, on croise les doigts. On dirait juste défonce-le. Prends tes cojones, c'est bon. Ah là, c'est ça. Case. Oui, bah merci. Est-ce que tu veux dire... Je suis impressionné, moi, par les boxeurs. Je regarde souvent. Ouais, moi aussi, c'est un truc. Vraiment, tu sais, je me dis que c'est vrai, monter sur le ring quand même, faut. Chose quoi, c'est pas comme monter sur les platines ou faire une soirée. Bon, il y a toujours un petit stress avant de faire une soirée. Stress. Voilà, mais c'est pas le même stress quand même. Parce que là, c'est tout le monde qui te regarde, c'est vraiment filmé. Et puis en plus, tu peux te faire défoncer la gueule. Devant tout le monde. Devant tout le monde, donc c'est un stress supplémentaire. Quoi. Donc je leur dis chapeau et bravo. Mais regarde ce calme, Ahmed, je sens bien, moi. Je sais pas pourquoi, bien. Non, les boxeurs, je suis en forme là, c'était juste pour passer des petites dédicaces. Et, vas-y, on t'écoute pour les dédicaces. Ouais, je fais une petite dédicace déjà à mes parents qui sont, je serais pas là. Enfin, bref. Une petite dédicace à Paco, Lander, Sam, mon grand frère Amine, mon entraîneur Youssef, Ali de Levallois, Yahya qui a toujours été là pour moi, Nathalie, mon agent, Elisa Paron, Zach, mon frérot, Momo de Nanterre, à tout mon quartier, le bol de temps, Samy, Mimi et Amel du 69, pardon, et mes partenaires, surtout Leader Assurance et Ovatet, qui m'aident beaucoup dans ma préparation, m'aide beaucoup, enfin bref, mais si vous voulez suivre mon actualité, ouais, rappelle les réseaux sociaux, on peut trouver Twitter, Instagram, Facebook, Ahmed El Moussaoui avec un S à ouais. Moussaoui. Ahmed El Moussaoui, allez le suivre en tout cas. Et 2015, qu'est-ce qui peut se passer pour toi, Ahmed, là, si tout va bien concrètement en 2015? On est en pleine négociation en ce moment, donc pour le moment je me base juste sur mon prochain combat, mais sinon on est en pleine négociation par rapport à une défense de titre dans un très très gros plateau, peut-être en février. Ensuite, pourquoi pas faire un vrai championnat d'Europe d'ici premier semestre 2015. Et bon, on suivra ça en tout cas avec attention. Bravo à toi et merci d'être passé ce soir dans Rex Suprême. Case, petit dernier mot sur les soirées où on te retrouve toi aussi. Alors moi, on me retrouve juste maintenant là au News Café, ouais. Je vais à Montparnasse. Donc c'est le News Café. Vendredi prochain, c'est à Bayonne. Le samedi en début de soirée, c'est à l'Eclipse à Montpellier. Et juste après, à l'Entracte à Toulouse. Voilà. Donc pour les soirées du week-end prochain. Et là, je vais me précipiter pour aller faire du sport. Enchaîner ma soirée. Voilà. Ah, ça te donne envie d'aller. J'ai amené Ahmed avec moi. Ça te donne envie d'aller faire du sport. Je sais pas si... Non, Ahmed, il a pas le droit de sortir. Non, il a pas le droit. Il a pas le droit de sortir. Il attend, c'est les grands. On peut pas les détourner, les sportifs. Tu sais, les mecs, ils ont. C'est vrai. Enfin, ça dépend. On a notre objectif. On va laisser se reposer. Il y en a deux, trois que tu peux détourner, mais Ahmed, je vois pas que c'est trop le genre de. Non. Bon, t'aimes bien faire la fête aussi un petit peu de temps en temps, Ahmed. Comme tout le monde, hein. Bah, comme tout le monde, quand on peut y aller. Il va souvent à Marrakech. Ouais. Eh bah, écoute, on fêtera le 6 décembre, en tout cas, cette victoire face à l'Espagnol. Exactement. Rappelle-nous le nom de l'Espagnol que tu vas combattre. Aitor Nieto. C'est un gros aussi, hein. Enfin, c'est un gros dans le sens où c'est un champion. C'est un champion. Ouais, double champion d'Espagne. Et ouais, il est pas mal. Mais bon, je pense que je suis au-dessus. Enfin, bref, on verra le jour J. Et s'il y a bien un mec qui doit douter de ses capacités, c'est bien lui, hein. Alors, eh bah, écoute, hola, que tal. Merci Ahmed. Merci à toi Fred, merci DJ Kaze et merci à Fabien aussi. Et bah à très vite pour Rail Suprême dans une semaine, Kaze. Allez, dans une tu semaine. Seras là. Ouais. Retour de Rail Suprême entre minuit et 1h du mat. Ciao.